Bon, alors là, j'ai erré dans la rue. Et parce qu'en fait, j'ai perdu mon téléphone et vu que j'ai plus de wifi chez moi, il fallait bien que je sache à quelle heure je partais demain, me mettre un réveil, etc. Donc, j'ai été à Metz et Dorian devait m'héberger. Mais en arrivant chez elle, à 22h, j'ai sonné et j'ai sonné, beaucoup sonné, et elle répondait pas. Quelqu'un a fini par m'ouvrir à la porte de l'immeuble. J'ai été devant la porte de chez elle et j'ai tapé. Elle n'a pas répondu. Très handicapant parce que déjà, je n'avais aucun plan pour dormir. Et deuxièmement, elle m'avait confisqué tous mes anxios. Je suis accro aux anxios, il faut le savoir. Il n'y a qu'avec ça que je dors. J'ai 3 plaquettes d'anxios sur moi. J'utilise tous les soirs 2 anxiolytiques pour dormir. Toi qui m'écoutes, tu n'imagines pas ce que représente ne pas avoir d'anxios quand on est accro aux anxios. En plus, elle part pendant une semaine dans le sud de la France. Ce qui veut dire que logiquement, je serai privé d'anxios pendant une semaine. Bref. Ce n'est qu'un détail, un tout petit détail de la catastrophe que je vais vous décrire pendant ce disque. Étant enfermé dehors et sans anxiété, je décide d'aller dans un bar où je connais un peu de monde. Les gens me refusent un peu, je leur demande si je peux dormir chez eux. Tout le monde me dit non. Bon. Et là, je vois au bar, au comptoir, Juliette. Juliette. Juliette est ma première copine depuis 2 ans et demi. C'est ma première copine depuis Marion. J'ai passé 2 ans et demi célibataire, dans une maison à la campagne, plus ou moins isolée. Et Juliette était vraiment ma toute première amoureuse. Elle est arrivée en novembre 2022, tombée amoureuse de moi, comme personne. Je n'avais plus connu une fille si amoureuse depuis des années, honnêtement. Et puis Juliette, jolie, intelligente, belle, gentille, pure, très très très sexuelle, un très bon coup, si je puis me permettre. Bon, après tout, on est entre nous, hein, donc parlons-nous franchement. Bref, Juliette, qui est ma copine, en novembre 2022, tandis que je n'y crois plus du tout, et que je ne crois d'ailleurs plus en aucune relation humaine, elle me propose d'elle-même une relation qui plus est exclusive, qui est une chose que je n'espérais plus du tout. Enfin, que je n'espérais même pas. Moi, dans ma tête, dans la meilleure des idées, pourquoi pas une relation libre, maximum que je puisse espérer, vu l'époque, et vu comment les filles n'ont rien à foutre. Et voilà que cette femme me propose une relation exclusive. C'est-à-dire un vrai couple traditionnel, tel que j'en rêve. Alors évidemment, sous le choc et prenant ça pour une blague, moi je l'accepte. 2 mois se passent, formidable. 3 mois se passent, formidable. Si formidable que nous décidons d'emménager ensemble. Parce que son appart est un peu pourri. Il fuit, etc. Il y a des fuites et puis c'était un appartement tout biscornu, comme elle aimait à dire. Il est tout biscornu comme moi, elle disait. C'est vrai que son appartement était très spécial et surtout pas très grand, 30 mètres carrés. Et moi-même, je vivais dans une maison dans laquelle des travaux allaient venir, donc j'étais incité à partir. Alors elle m'a proposé, eh bien pourquoi pas une colocation, toi et moi. Nous nous aimons, alors mettons-nous en colocation. Alors à ce moment-là, j'étais comme dans un rêve. J'ai accepté. Et puis, nous avons trouvé un 90 mètres carrés formidable. Dans un ancien monastère. Vous voyez un petit peu le symbole. Moi qui suis fasciné de la vie monastique depuis toujours. Dans un ancien monastère, avec en plus un parc pour mes chats, parce que c'est vrai qu'avoir deux chats est quand même un handicap, mais là, grand parc pour que mes chats sortent le matin et partent le soir. Eh bien, nous avons trouvé ça. Quand on a visité l'appartement, le jour où on l'a visité, je m'en souviendrai toujours. On était fous. Très grand salon, deux chambres. C'était un appartement très grand et très beau. Avec un comptoir entre la cuisine et le salon. Et puis, une grande cuisine. On était super heureux. On se prenait dans les bras. Et dès qu'on avait un document en plus pour l'appartement, c'est-à-dire une quittance de loyer ou une caution, quelque chose comme ça, on fêtait ça en se prenant dans les bras. Vous savez, cette manière qu'on a de se prendre dans les bras quand ta copine t'annonce qu'elle est enceinte. Et c'est un projet de vie. Alors on se tombe dans les bras. Deux êtres humains. Qui se tombent dans les bras. Il n'y a rien de plus magnifique. J'ai vécu ça plusieurs fois. Avec elle. Je lui disais que j'avais une quittance de loyer et elle me tombait dans les bras. Cet appartement était magnifique. Alors on a décidé sans aucune hésitation de le prendre. On s'aimait tellement fort et c'était tellement harmonieux entre nous que c'était d'une évidence folle. Et puis, j'ai donc signé la fin de mon bail pour ma maison. Le jour de l'emménagement pour ce nouvel appartement formidable avec elle. Le 12 février. Vous vous rendez compte, vous qui m'écoutez, vous qui m'écoutez sur mes albums depuis des années, qui me plaint et qui a l'air d'aller d'échec en échec. Je parle là d'une relation harmonieuse avec une fille superbe avec qui je m'installe dans un grand et bel appartement. N'est-ce pas ce qu'on appelle un projet de vie ? Oui, le chat. Non mais... Excusez-moi parce qu'il y a les chats qui passent, qui font un petit peu de bruit. Pichoun. Arrête d'embêter Wistiti. Allez, arrête un peu. Ah là là. Bref. Où est-ce que j'en étais ? Un projet de vie. Ça faisait des années et des années que je n'avais pas eu un projet de vie. Je comptais me suicider en 2020 pendant les confinements quand ma copine m'a quitté, et puis en 2021, puis en 2022 avec toutes ces filles qui m'ont prise pour un con, et 2023 commençant, tiens, un projet de vie. Alors, effectivement, j'ai signé la fin du bail de ma maison pour m'installer avec elle le 12 février. Le 1er février, 12 jours avant l'emménagement, cette fille m'appelle. Sans raison particulière. Juliette m'appelle et m'annonce qu'elle ne veut plus s'installer avec moi. Coup dur, je crois une blague. Mais non, la vie n'est pas une blague. Elle m'annonce quelques minutes après qu'elle me quitte. D'accord. On s'aime comme des fous. Tu es l'amour de ma vie. Tu es mon premier projet de vie depuis 2 ans et demi. Je crois énormément en nous. 12 jours avant l'emménagement. Tu m'annonces que je vais être à la rue et tu me quittes. Voilà. Voilà, c'est ça qui s'est passé. J'ai pleuré, beaucoup pleuré. D'abord, essayer de la convaincre avec mes mots, mon argumentaire. n'a pas fonctionné. Quand je lui posais n'importe quelle question, il y avait simplement un long silence. Elle me répondait « Désolé. Désolé. » Me voilà à la rue, dans 12 jours. Et qui plus est, célibataire. Compliqué. Et au RSA aussi, hein. Bah oui, parce que sinon ce serait trop simple. Si j'avais de l'argent, je serais déprimé, mais en capacité de me replier. Mais là, j'ai perdu l'intermittence fin décembre, en fait. J'ai pas trouvé assez de cachets, il n'y a plus vraiment de concerts, donc du coup, le 27 décembre, j'ai perdu l'intermittence. Donc j'ai basculé du RSA, c'est-à-dire de 1 300 € par mois à 600. Le RSA, ce qui est une incapacité totale de se loger, sauf si on est deux, hein, comme chacun le sait. Aucun propriétaire ne voudrait d'un locataire au RSA, ce qui est tout à fait légitime. Donc voilà. Plus d'appartement. Plus de Juliette. Plus de compagnie. Plus d'amour. Plus d'affection.